Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit le Watibé. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Watibé, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée. Bienvenue sur Skyrock entre 20h et 21h, le Planet Rap de ce jeudi soir. Avec l'équipe du Watibé ce soir au micro. Les Shin Sekai sont là, Bouddha Bang est là. Comment DJ ça va? Lil King au platine aussi est là, mon gars. Évidemment, HQ se repose. Exactement, ouais, il est. On a trop usé de ses services là. Là, il est aujourd'hui, il est sur la table ronde, autour de la table ronde. Il a réussi son coup, il a quitté la table de mixage pour venir. Une déclaration Une déclaration, un freestyle, un truc à ajouter? Non, j'ai rien à dire. Je les laisse. Un petit 16, un petit truc à lâcher. Il aura un truc à lâcher pendant l'émission. Il a des 16, croyez-moi, DJ HQ a des 16. Ne négligez pas, il a des 16. Non, mais quand même, je pense que quand même, on devrait applaudir DJ HQ parce que c'est vraiment la première fois qu'il est avec nous à la table et pas bravo à la table de mixage. DJ HQ. Quelle ascension. Ça commence comme ça, après ça va faire les refrains. Quelle ascension. Après tu vas nous retrouver derrière en train de le baquer. Ouais, c'est vous en fait qu'elle est partie en platine. Voilà, tu vois le coup d'état que tu disais de PDG, ben en fait c'est HQ. C'est ça le truc en fait. Il va finir boss. Avec une tournée zouk dans le monde entier pour. Toi tu veux juste une tournée sucrée, tu vois. Tournée sucrée. Est-ce que ça va bien? Tropical Tour. Ouais, écoute, moi ça va pas du tout. J'ai un gros problème de dos là. J'étais chez l'ostéopathe tout à l'heure et j'ai payé 100 balles pour qu'il me dise fais des abdos en fait. Tu vois le délire? Bah, tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir. Le pigeon du jour s'appelle Dadj. Plumé, je me fais constamment plumé. Stop, c'est un extrait d'Indéfini, faut pas trop. C'était donc une exclue totale. Ouais, c'était une exclue totale. Ouais. Bon, en parlant d'ailleurs d'Indéfini, il y a un morceau avec lequel on va débuter le Planet Rap. Le morceau qu'on a pu découvrir il y a une dizaine de jours maintenant, ouais. Une quinzaine de jours. Lors du Planet Rap de Black M. Exactement. Un morceau qui a bouleversé les réseaux sociaux. Exactement, ouais. Sur la toile, on ne voit que ça. Le concept, franchement, ils ont fait un concept auquel j'ai vraiment adhéré. C'était le hashtag Majoli, ça a cartonné. Il y a eu des milliers et des milliers de vues sur des vidéos bêtes, hein. Juste des vidéos où j'en ai fait une en plus sur scène, tu vois. Des vidéos où on s'est ambiancé sur le son et franchement, ça a cartonné. Merci à tout le monde pour le soutien, pour Shin Sekai. Merci à vous. Et bon, on le balance. Let's go. C'est parti, Majoli. Makele. Il casse à toutes les makele. Ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage. 7 5 0 9. Enlève un peu tout ton maquillage. 9 3 23 0. Makele, celui dont tu n'es pas fier. Makele, tu sors dans le dos de tes frères. Makele, t'excelles dans savoir-faire. Makele. Je vais pas me jeter sur toi. Non, non. J'aimerais te voir le matin. Makele. Une femme ou œuvre d'art. Souba. Ton visage est repeint. Makele. Pas d'histoire. On sait tous d'où tu viens. Makele. T'as eu tous mes gars. Mon gars Djibril, on est ensemble. T'as qu'une femme. Makele. Fantin sur le col, rouge à lèvres sur la joue. On sait que t'es passé par là. On sait tout. La lumière éteinte, ta beauté voit le jour. Pour le reste, du temps, bon débat. On voit tout. Chez toi, t'es une sainte, mais on voit, tu nous loules. Ma soeur, tu nous mets dans l'embarras. Malgré ça, t'arrives à charmer ceux qui refusent de voir. Ma jolie, oh ma jolie, indéfini, oh, indéfini, indéfini. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage, ma télé. Celui dont tu n'es pas fier, ma télé. Tu sors dans le dos de tes frères, ma télé. T'excelles dans savoir-faire, ma télé. T'as vu dans le club mendiant, du champagne aux gens. Clochard ne fais pas semblant. Tu ne seras jamais ni Rihanna, ni Beyoncé, ni Kim K. Non. Dis-moi qu'es-tu prête à faire pour l'oseille. Tu nous fais ta princesse, en effet, tu ne manques pas de cran. Tous tes fils de chaise sont faits par intérêt. Tu crèves des cœurs pour un cran. J'ai dit Mac, elle est un. Non, mon gars, va, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Mac, elle est un. J'ai dit Mac, elle est un. Non, mon gars, va, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Mac, elle est un. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. jolie, ma jolie, oh ma jolie, ma jolie, oh ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage. Ma télé, celui dont tu n'es pas fier, ma télé. Tu sors dans le dos de tes frères, ma télé. T'excelles dans savoir-faire, ma télé. Ce soir, pour nous embrouiller l'esprit. La seconde où tu redeviens toi. Je vois les hommes taper un sprint. N'essaie pas te renier. Accepte le visage que maman t'a donné. Montre-moi la vérité. Il y a que ton miroir qui te reconnaît. Mesquine. Ton visage est aussi beau que celui de Mr Bean. Makele. 1, 2, 3, abracadabra et merci de contourer. Makele. J'espère que le message a été capté. Soyez naturel, les filles. Nous vous aimons. Sans toi, quand tu nous fais. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Enlève tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Posa la tête, tout ton maquillage. Posa la beauté naturelle. Ma télé, suis donc tu n'es pas fier, ma télé. Tu sors dans le dos de tes frères, ma télé. T'excelles dans savoir-faire, ma télé. Kitoko, Kitoko, nous sommes fait baby. Congo, Kinshasa, Brazzaville. Et toujours mon gars DJ Lil King. Les choses se passent à fond. Indéfini arrive à grands pas. Quel titre, quel morceau. Eh ouais, le retour des Shinsekai. C'est ça, c'est ça. La dernière fois, vous l'aviez coupé comme des salauds quand t'as vu passé. Ça Non, mais regarde, regarde, il est quand même mieux jusqu'au bout, quand oui, même, ouais, ce morceau. C'est vrai, c'est vrai qu'il est mieux jusqu'au. Mais on était obligé de préserver cette surprise, ce truc. Tu vois, t'apprécies mieux le son maintenant, non? Et on peut le retrouver où alors, ce morceau? C'est bah, contre, très le, important. Le clip est sorti en début de semaine. Donc, on a vu que les gens ont kiffé. Et d'ailleurs, ça nous fait très, très, très, très, très plaisir de voir que les gens l'ont partagé et tout. Donc, il est disponible sur iTunes aussi et bon, sur YouTube. Donc, on peut le trouver, on peut l'avoir. C'est le son qu'il faut avoir pour cet été. C'est celui qu'il faut avoir pour cet été avant de partir en vacances. Pour tous ceux qui passent leur examen, pour tout le monde, c'est ça qu'il faut écouter. Ambiancez-vous, ambiancez-vous. Le concept ma jolie, hashtag ma jolie. Ouais, continue. Continuez à envoyer nos vidéos. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir à quel point nos fans sont créatifs. Tu vois, ils font des vidéos grave galeries. On en a partagé un tas. Ouais, il y en a plein. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il y a des trucs grave galeries. Faudrait que je te montre après. Eh bah, avec grand plaisir. Il y a l'album. On en est où sur Indéfini, alors, messieurs? Parce que là, cette fois-ci, on l'attend. Hein. Alors, Indéfini, il est à 99,9%. Donc, si je compte bien, il reste 0,1. Exactement. 0,1, ouais, c'est ça. 0,1. Ouais. C'est quoi? Bah, j'ai pas envie de dire. En fait, c'est quoi ces 0,1? Il est terminé, il est terminé. Mais on sait jamais si, parce qu'on est constamment en studio, Dadju et moi, tu vois. Donc ouais, on sait jamais si y a une petite perle. Si. Une sorte qui éclate, hein, comme ça. Bon, ce sera pour la rentrée. Ouais, ça sera ouais. Plus pour vers la rentrée. Ouais. Vers la rentrée, ouais. Messieurs de Bang HQ, je suppose que vous avez écouté. Et c'est Malavis, il a osé me demander si j'ai écouté le projet de mes gars de Shinsekai. Franchement, je suis beaucoup allé en studio avec eux, comme toujours, tu vois. On partage nos temps libres, nos heures de boulot, et ils ont bossé. Franchement, ils bossent encore en vérité. Ils bossent dur sur leur premier album. On est content. Franchement, on est content, on est surpris. Je suis surpris, mais je peux pas en parler. Ils voudront pas. J'ai le droit de parler d'un son. Vas-y. Vas-y. J'ai le droit. Voilà, parce que là, tu tournes autour du pot. J'ai le droit. Tu tournais autour du pot. Il y a un morceau qui me touche. Et je pense qu'il va toucher, hein, je veux dire, de toute la population française. Un morceau qui s'appelle Mama. C'est un morceau aux sonorités, africaine, mais qui a été remis au goût du jour par The Shinsekai, tu vois. Et c'est un morceau très particulier, simple, mais très, très, très touchant. Des belles mélodies, des beaux textes, et voilà, bravo. Oh, il sera sur l'album, celui-ci. On l'appelle Mama, mais il s'appellera pas Mama, le son. Donc c'est le nom de code pour l'instant. C'est le nom de code, ça, c'est le nom du projet, tu vois. D'accord, continuons avec Mama. HQ, un morceau qui t'a touché, ou plusieurs, HQ. Malheureusement, je vais dire la même chose, mais c'est Mama. Il est trop lourd. En fait, il n'y a qu'un seul morceau sur l'album. Quand tu l'entendras, tu vas comprendre. Il est vraiment touchant de ouf. Vraiment. Moi, je veux juste demander un truc. Ouais. Si c'est possible. Si c'est pas possible, ils vont me dire non. Est-ce qu'il est possible de faire juste le refrain en acapella comme ça? Juste en acapella. Okay. Tu peux? Ouais. Alors attention, coupons, Fab. Coupons. Mais j'ai besoin de tout. J'ai besoin de Tal, j'ai besoin de Bang, j'ai de tout le monde. Allez, vas-y. Maman, pour toi, je ferai tout. Tout doudoudou, maman pour toi je ferai tout. Tout doudoudou, maman pour toi je ferai tout. Tout maman. Doudoudou, maman pour toi je ferai tout. Maman, maman. Doudoudou, maman pour toi je ferai tout. Stop. Oh, il allait partir. Oh là là là là. Pourquoi tu l'as coupé? Non. Parce c'est que comme dès qu'il est lancé comme ça, il s'arrête pas. Il allait faire tout ce morceau, il allait même faire mon couplet. Donc faudra attendre quoi? La rentrée? Faudra attendre la rentrée. Mois d'octobre, je dirais. Octobre. Voilà, exactement. Allez, rendez-vous en octobre avec Shinsekai. Et en attendant, vous avez Makele qui est disponible sur iTunes. C'est sur YouTube. Ma jolie. Oui, en fait, nous, on a un gros problème. On a des sons, on leur donne des noms. Mais le truc, c'est que c'est jamais les titres. Tu vois, ça veut dire qu'après, on est embrouillé dans la promo, on commence à dire n'importe quoi. Non, celui-ci comme... s'appelle Ma jolie, on peut aller cliquer dessus. Allez-y, c'est un extrait d'Indéfini qui sortira donc en octobre, cette semaine spéciale Watibé. Yeah. On fait un petit peu le point de tout le monde, tous les artistes qui sont signés. Il y a beaucoup de sorties. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de gens dans le Watibé. Ça afflue. Qu'est-ce qu'on met comme morceau d'ailleurs, messieurs, maintenant? Ben, ça y est, il est 20h. Ah, il est largement passé. Il y a le premier extrait de l'album Watibé. Stop. Qu'est-ce que t'as dit, frérot? J'ai dit le premier extrait de l'album Watibé. Non. Le son est très très lourd, tu l'as passé la semaine dernière. J'aimerais que tu l'annonces avec plus de présence et plus de conviction. Ok, tout simplement. Alors attention, à bout de bang, ambiance nous, tout ça c'est simplement, parti. Attends. Écoute, là tout de suite, c'est le premier extrait de l'album Watibé. À bout de bang, feat Black M, adios. Cheer. Mais, voilà. Mais avant, il faut que nous appelions Black M. Ou après? Après le son. Ouais, après le son. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, c'est parti. Adios. Disponible sur iTunes, le clip en ligne actuellement. Wati-b.com. Play. La nuit, j'ai pas à reposer dans mon camos. Je veux bombarder. Je me dis pas mot. DJ HQ à la prod. Je fais les choses jusqu'au bout du jour. La nuit, j'ai pas à reposer dans mon camos. Je veux bombarder. Il me dit pas mot. Mais je prends mon temps. Je fais les choses jusqu'au beau jour. Je vous dirai adios. La nuit, j'ai pas à reposer dans mon camos. Je veux bombarder. Il me dit pas mot. Mais je prends mon temps. Je fais les choses jusqu'au beau jour. Je vous dirai adios. Adios, adios. Adios, adios. Adios, adios. Adios, adios. Adios. Je ne comprends pas pourquoi vous m'en j'ai eu, je ne l'ai pas volé. Non. Je sais que ça parle de moi. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Je me souviens de tous les moments forts. Tous les hypocrites sont hors de ma vue. Je me rappelle de toutes ces nuits blanches dans Paris. Les descendants de cœur font bas de ma rue. Toutes ces filles au cœur fragile qui m'ont aimé, mais sans retour. Je n'ai rien dit car je me méfie. Je m'ouvrirai peut-être un jour. Je pars reposer dans mon amour. Didier Little King. Me dis pas mot. Je prends mon temps, je fais les choses jusqu'au beau jour, je dirai adios. La nuit, je vais reposer dans mon camos. Je veux bombarder, je me dis pas mot. Mais je prends mon temps, je fais les choses jusqu'au beau jour. DJ HQ. Adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios. Trop rêveur, j'aimerais voir ma vie en river. J'ai pris de l'âge, du kilométrage, la même rage. Dis-le. Depuis le temps que je baroute, les gens qui me disent tu n'y arriveras pas, j'en ai vu d'autres. Depuis je fais mon bout de chemin, mais l'important c'est la fin, je dirais pas que j'ai commis aucune faute. Paris ma ville, t'es comme il y en a pas mille. Mais sur le périph', en pensant à une île, où y aurait des gros requins en guise de videur. Une île où j'irai me poser pour faire le vide. Une île où personne parle de musique et de beat. Pas la peine d'appeler, y'a personne au bout du fil. J'ai pas changé donc arrêtez de vous faire des films. Faut que je vous dise adios parce que rien que ma vie défile. Oh. Adios, adios, adios, adios. La nuit je vais reposer dans mon amour. Je vais bombarder, on me dit pas mot. Qu'est-ce que j'aime ce son. Je fais les choses jusqu'au beau jour. Je dirai adios. La nuit je vais reposer dans mon amour. Délicat ça. Adios. Le clip. Adios. Merci à Tahiti. poésie française. Mon Gamara, ce camarade Mara, toujours en Mara. Adios à l'instant sur Skyrock, Monsieur De Bang, qui est là avec nous ce soir. Et Black M aussi, qui devait passer ce soir. Yeah. Ouais, mais qui n'a pas pu. Mais il y a trois artistes sur le son. T'en as entendu deux. Pardon. Mais il y en a trois sur le son. Abou De Bang, Black M et mon gars sûr et certain. D'ailleurs, c'est ce qui justifie sa place sur la table. Islander, a.k.a. DJ HQ, qui a fait la prod. C'est lui qui a fait son prod. Je propose qu'on applaudisse. Franchement, je propose qu'on applaudisse. Quel DJ HQ. Merci. Qu'est-ce qui t'a inspiré d'ailleurs? Parle-nous. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour sortir ce morceau là? Il est sucré, le morceau. Celui qui m'a inspiré, il est juste à côté de moi. C'est mon gars Abou De Bang. C'est lui qui m'a inspiré en fait. Tout est parti de lui en fait. C'est De Bang qui a fait la prod. Non, c'est pas De Bang. De Bang qui a fait la mélo et qui m'a inspiré. Et du coup, moi, je suis parti sur ce délire-là. Et voilà, ça s'est fait. Mais inspiré comment que, c'est quoi il, en fait, on nous appelle. Il se trémoussait, il y avait un truc. On a une cible, on nous appelle les envahissants. Les envahissants. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un flux qui passe, il y a un queutru, tu vois. Et le flux, il est passé et direct, le son, il est sorti, tu vois. Et HQ, en tout cas, quand il parle, vous avez entendu cette voix? Ah, il a un charisme. Il a préparé. Ça fait des années qu'il a préparé sa voix. Il travaille sa voix. Pour s'asseoir ici, ça fait des années la travaillé. Il savait. C'est ma voix normale. Et je crois que nous avons un coup de fil d'ailleurs, puisqu'il devait être là aussi avec nous ce soir, mais que. Bon, les aléas de la vie font que. Ouais. Je préfère aller ailleurs. Ouais. Les aléas de la vie avaient une dent contre lui. Ouais. Plutôt quatre. Mais c'est plutôt quatre dents contre lui. Allez, ah, mec. C'est dur. Black M. Ouais. Tu n'as rien entendu, j'espère. Je vous entends depuis tout à l'heure. Mon gars blessé. Mon gars blessé. Où es-tu, Black M? Je suis chez moi. Je me tiens les dents. Donc oui, petit souci, c'est des choses malheureusement qui arrivent, hein, c'est des choses de la vie. Je souhaite ça à personne, comment je connaissais pas cette douleur, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est dur, ah non, les dents ça rigole pas, gros. Ah non, les dents, bon, en tout cas, tu as pu entendre donc le morceau Adios à l'instant avec en effet trois personnes dessus, avec toi, avec Abou De Bang et HQ, qui nous racontait comment était né ce morceau. Ouais, j'ai entendu. C'est un morceau lourd, hein. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus à ce qu'ils ont dit? Ok, merci, au revoir. Merci. le clip, il est mortel. Le clip, il est mortel. J'ai sorti mon gars à bout de dingue. C'est rien, c'est normal. Tu restes mon grand frère. Celui qui m'a ramené dans ce milieu, il n'y a rien. Bon, Black M, tu pourras bientôt reprendre la tournée quand même. Ouais, bien sûr. Voilà. Moi, je voulais rajouter un truc sur le clip, justement. Par rapport à ce qu'il dit, c'est un truc de ouf, tu vois. Lorsqu'on a fait le clip, on a vu direct la prestance de Black devant la caméra. C'est un truc de ouf, tu vois. Direct, il est en place et tu vois qu'il connaît, il sait ce qu'il fait. Tu vois. Mais en même temps, en gros, il était tranquille, hein, il était à Tahiti. Il était bien d'ailleurs, il était tourné à Tahiti quand on était tous en concert. C'était un bête de moment. Bah, d'ailleurs, on est un peu tous dans le clip. Non, franchement, c'était super lourd. On a super bien été reçus là-bas. On a fait quelques images parce que bon, on avait eu un concert là-bas, mais malheureusement, ça a été annulé. Et reporté, du coup, je crois, ouais. Voilà, exactement, reporté au mois de décembre ou un peu plus tard, je sais pas exactement. Pas péter. Du coup, on a organisé un petit concert, enfin sauvage quoi. Et du coup, ils ont pris des images du concert et c'était super bien d'ailleurs. Donc, adios. À guetter. Adios. Yep. Et Black M, merci d'être avec nous parce qu'on disait un petit handicap ce soir. on va quand même aussi saluer toujours l'album, le live. Hein. Loupez pas le live, ça y est, il est sorti CD, DVD. Hein. Les yeux plus gros que l'Olympe. Ouais, le live est sorti, c'est cool. Très sale, hein, c'est un très gros show. Et on va te laisser te reposer un peu, hein, Black M, parce qu'on va pas t'emmerder. Merci, on va pas t'emmerder plus longtemps. Fais gaffe à toi, mon gars. Adios. Allez, mon gars. Bonne soirée, frère. Black M, qu'on salue évidemment, et donc le CD DVD live où vous retrouverez toute l'équipe autour de la table ce soir. Dans un instant, on revient. Qu'est-ce qu'on passe comme morceau? Tu sais, il y a mon gars sûr, Dr Beriz, qui arrive aussi, qui prépare son projet. Très bien. Il a balancé son son en début de semaine. C'était en début de semaine, mercredi, il me semble. C'était hier. Un très très gros titre qui s'appelle À Force. Le clip a été tourné. Le clip est sorti en Espagne. Le clip est sorti aussi. Et bon, on connaît le talent de l'animal. Hein. Beriz, bon, après, l'année dernière, il avait sorti deux gros titres. Il avait participé avec Black M. Et c'est aussi sur les chroniques du Wattie Boss. Billet facile aussi. Billet facile. Je fais partie des millions de gens. Comment il s'appelle? Madame la chance. Madame la chance. Franchement, des Profitez très gros de titres. Ma life. Et ben, ne bougez pas dans un instant. On vous balance ce morceau. Le freestyle par téléphone, ça arrive aussi. On revient avec l'équipe du Watibé, avec Abou de Beng, avec les Shinsekai ce soir. HQ est là aussi. Et le retour après ça. L'émission rap de référence Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap Watibé. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit le Watibé pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap Watibé. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec ce soir au micro l'équipe du Watibé avec ce soir Abou de Beng, les Shinsekai. On a pas salué le Watibé PDG qui est arrivé. Qui arrive dans l'ombre, toujours caché dans l'obscurité. Le il a tellement PDG. De prestance que j'ai peur de lui dire bonjour. Je ne sais pas. Le mec si... a plus de téléphone. Regarde, il est connecté directement avec la bouche. En fait, c'est-à-dire que style particulier. Je peux plus besoin de téléphone. PDG, s'il te plaît. C'est pas grave. Ok, tant pis. Donc l'arrivée à l'instant. Mon gars sûr, PDG. Et alors, applaudissez-le. Tonnerre d'applaudissements pour le Watal. D'ailleurs, il est arrivé juste pile poil au bon moment avec Raja qu'on salue aussi. Salut Raja. Pile poil au bon moment pour rectifier parce qu'on a dit pas mal de conneries avant. On a dit des conneries et justement, j'avais peur de lui dire bonjour parce que je savais qu'il allait me taper en fait. Voilà, donc il arrive en disant vous dites n'importe quoi. Là, il y a le son qui est arrivé. Là, il y a pas encore le clip. Là, il y a le clip. Il y a pas le son. Donc, on va remettre un petit peu d'ordre. On va clarifier. On a passé en début d'émission, on a passé Majoli. Votre morceau. Majoli, le morceau de The Shinsekai. Voilà. Qui est sorti depuis. Au début de la semaine avec le clip et le lien iTunes. Donc si on a kiffé le morceau, on peut aller cliquer tout de suite, on l'a. Exactement. Ça, ça y est. Ensuite, nous avons passé le son de mon gars DJ HQ accompagné de The Beng et Black M, dont le clip est disponible avec le lien iTunes. Depuis aujourd'hui 20h. Il a chuchoté tout mal à l'aise. C'était discret quand même. Tu peux le dire, hein. J'ai l'habitude d'être derrière. Le clip est sorti aujourd'hui à 20h avec le lien iTunes. Adios. Voilà, donc on peut l'avoir aussi. Exactement. Si on a kiffé le morceau, on peut aller cliquer tout de suite, on l'a à la maison. Exactement. Et là après tout de suite. Et à passer. Donc arrive dans un instant. Arrive dans un instant. Un morceau qu'on a découvert hier soir. Exactement. Le son de mon gars sûr, Dr. Berries. Comment s'appelle ce titre, Dajou? À force. À force. Le son est disponible sur le net. Pas encore le clip, mais le son. Le son est assez fort pour que vous puissiez le regarder sans le clip. Et le lien iTunes aussi est disponible. Donc le courrez, allez chercher le titre de mon gars sûr, Dr. Berries, à force que vous allez entendre tout de suite. Et c'est. Très bien. Et c'est, je tiens à préciser. Je crois que c'était clair en tout cas, non? Que c'est le premier extrait de son album. Son album qui va s'appeler 1974. 74. Wow. Les enfants ne sont pas clairs. Non, 74. De soi. On en a parlé cette semaine. C'est 74, c'est sûr. Exactement. Ah oui, c'est sûr. C'est le Big Bang tout. Big Bang, ouais, bah oui. Voilà, c'est pas 75, c'est 74. Mais attends, pourtant j'étais chaud en histoire, hein, bizarre. Ouais, bah, t'as dû louper un épisode. Je crois que t'as mal au dos un peu. T'as séché. Moi, ça devait être en fin d'année, quand il fait beau, tu n'allais plus. T'allais plus en histoire géo fini. Non, mais en fait, on m'a dit un autre truc, c'est pour ça. Bon, donc on écoute le morceau dans un instant. Bougez pas, là, je vous présente Julien Dermenot en Vendée. Salut Julien. Ouais. Ça va bien, Julien? Salut. Yo, Julien, bien quoi, frérot? Je te présente l'équipe du Watibé, Abou de Beng, Shinsekai, ils sont là avec nous. Lil King est au Platina, HQ au micro. Yeah. Et toi aussi, Julien. Ouais. Tu es prêt à faire un freestyle, on t'écoute? Ouais. Allez, go. Yo. Ok. Dans le rap, je perds des vers, même si on me dit que j'ai pas le profil. Quand je crains de me faire des vers, j'aimerais même t'en faire du profit. La musique, celle que je sais faire, mais je la prends au sérieux. On vous a laissé faire, c'est pas... Je suis avec mes collègues, au soleil. Rien à faire que certains me qualifient de merde. Ramener de l'argent aux dirigeants, paraît que c'est à sa concert. C'est dérangeant, moi je veux que les gens bougent sur mes champs en concert. De la compète, c'est tous les sports compètes. En cas de désaccord, on se met d'accord autour d'un bon bête. En route vers le top, la réussite, je vais lui mettre l'anneau. Tu fais tout pour qu'on se stoppe, mais on va pas tomber dans le panneau. J'ai des cartes en main pour briller dans le rap, je t'assure, c'est pas du bluff. Et puis si par mes gardes, je me rate, tant pis, j'ai pas de snap. Dès que découle nos sons de la musique, j'acquitte toutes les notions. Observe comme les profonds, dès que mets les pas bien profondes. C'est bien, j'ai toujours pas de meilleure place. Mais sur l'instru, t'as bien vu, je possède les meilleures phases. En silence, mon groupe, il bosse. Si tu te demandes, on est des où? Les autres, c'est des fous, ils croient être les boss, mais c'est nous. Je balance des rimes sans prudence. Je viens coucher mes concurrents. Appelez les ambulances. J'ai un esprit conquérant. Eh bien, non.

très gros morceau. Le morceau qui s'appelle A Force. A Force, mon gars Belize, non. Là, ça faisait longtemps que je l'avais pas réécouté, je te mens pas. Je m'en suis remangé une là. Une bonne au niveau du menton, tu vois. Quand tu tombes, tes genoux ils fléchissent direct. Bah. Oh là là là là. Donc ça, rappelons, il n'y a pas de clip encore. Pas de clip encore. Mais le son est disponible sur iTunes. Chips. Donc allez-y, n'hésitez pas à cliquer aussi. Que de morceaux qu'on peut avoir par exemple ce soir, hein. Ouais, franchement là c'est... Non mais Watibé, on donne, hein, on offre, on donne sans compter. On donne avec le cœur et on donne du lourd en plus de ça. Et je tiens à dire vraiment que Belize, je suis un gros supporter de Belize, hein. Belize c'est vraiment quelqu'un... Ah, on te souffle quelque chose dans l'oreillette. Des conneries. Ouais, je suis un grand supporter de Belize, je suis fan de ce mec-là, je le trouve vraiment super, super fort. Il a une voix, une empreinte vocale qui est très touchante. Et je pense que son album va... Moi, je veux pas écouter son album. Hein. J'essaye d'être le moins possible en studio avec lui pour me manger la gifle comme tout le monde. Ce son-là, je l'ai écouté hier. Je me suis mangé la gifle hier pour la première fois. Et je sais que son album va être très, très lourd, très, très sale et que ça va faire du bien à la musique française. Bon, musique on guettera ça en 1974. 1974. J'ai encore envie de parler, moi, un peu de Belize. Nous t'écoutons. Ah. Je tiens à dire, attention, moi, c'est mon ami d'enfance. Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît et qu'on est issu du même groupe, du même quartier. Belize, je l'ai vu évoluer. Et il a évolué de façon, en fait, spectaculaire, tu vois. Il était fort, c'était un bon rappeur qui avait un bon groove, tu vois. Et un jour, on s'est tous rendu compte qu'il était trop fort. Qu'il chantait mieux qu'il rappait, parce qu'il rappait déjà bien. Mais il a un timbre de voix très, très, très particulier, tu vois. Un timbre de voix qui a un groove un peu jazz, un peu... Il fait aussi du rock, il peut te faire aussi de l'afro, il peut te faire de l'électro. Il a une polyvalence vraiment qui ne le limite pas. Donc, pour avoir écouté beaucoup, beaucoup d'extraits de son album, après, je ne sais pas s'il va tout garder, c'est très lourd. C'est très lourd. Pas lui, d'ailleurs. C'est profond. C'est profond aussi. Il parle avec le cœur. Il a pas eu une vie qui a été une vie comme tout le monde. Il a eu sa vie à lui et il te le retranscrit, d'une très bonne manière sur son album. Et voilà, j'invite tout le monde à écouter Dr. Belize. Donc, à guetter, à suivre. On fera tourner dans un instant la roulette, les inscriptions 41-759. Quel morceau on met, messieurs, maintenant? Bon, bah, je sais pas, moi, je propose qu'on se passe. Parce qu'avant Makelé, Shinsekai, on avait balancé le premier extrait d'Indéfini, parce que Ma Jolie, c'est le deuxième extrait. Le premier extrait, c'était Deuxième fois. Deuxième fois, exactement. Je sais pas si les gens le connaissent. Et bon, on va le mettre maintenant. Beaucoup de gens le connaissent, mais pas tout le monde encore. C'est un de nos gros morceaux sur scène, d'ailleurs, qu'on peut retrouver aussi dans... Sur le DVD, les yeux plus gros que l'Olympia. Et franchement, c'est un gros morceau scénique et c'est un gros morceau qui nous tient beaucoup à cœur. C'est pour ça qu'on l'a balancé en premier, d'ailleurs. Et ben, on le met maintenant sur Skyrock, dans Planète Rap, le spécial Watibé cette semaine entre 20 et 21. Indéfini arrive à grands pas. Le temps qui passe n'effacera pas tous les souvenirs que tu gardes de mes erreurs. Je deviens meilleur. Lassé de quoi? De me voir constamment occupé sans m'inquiéter de tes arrières. Je deviens meilleur. Laisse parler ceux qui ne comprennent pas. Je dois faire du vif sous la pression de tes rempas. Si je disparais, c'est que mon absence est rentable. Prends le recul, réfléchis, méchant, tu m'entends. Tout le monde le fait. On tape, on tape, on tape. Dis-moi, qu'est-ce qui nous empêche de recommencer dès le départ? Quoi? Repartir à zéro. Dis-moi, qu'est-ce qui nous empêche de recommencer dès le départ? Si je dois tout prouver, je veux tu m'aimes une deuxième fois. 7-5-0-0-9. Yeah. Yeah. Ah. Yeah. Regarde-moi, je veux que tu m'aimes une deuxième fois. Regarde-moi. Regarde-moi, je veux que tu m'aimes une deuxième fois. L'amour est une balle perdue. Perdu. Perdu comme le temps. Temps. Perdu comme nos âmes. Perdu comme la femme de nos sentiments. Sentiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais plus. Je comprends bien que j'étais assez déçu. Oublies-tu donc tout ce qu'on a vécu? Ah. À nos débuts, tout cela est évitable. C'est exécrable. Tout ce que je veux, c'est baisser les armes et sécher tes larmes. J'ai connu beaucoup de femmes et tu demeures incomparable. Et si tu veux le meilleur pour moi, je ne comprends pas pourquoi tu pars. Oh oh, oh oh. Dis-moi qu'est-ce qui nous empêche de recommencer dès le début. Indéfini. Repartir à zéro. Bientôt dans les bacs. Oh, oh, oh, oh, oh. Bientôt dans les bacs. Dis-moi qu'est-ce qui nous empêche de recommencer bientôt dès le départ. Si je dois tout prouver, je veux tu m'aimes une deuxième fois. Indéfini. Indéfini. Indéfini. Hey, hey, hey, hey. Regarde-moi, je veux que tu m'aimes une deuxième fois. Yeah. Regarde-moi, je veux que tu m'aimes une deuxième fois. Yeah. Regarde-moi, je veux que tu m'aimes une deuxième fois. Et si je t'ai fait souffrir de sacrifice, je veux que tu m'aimes une deuxième fois. Tu m'adresses la parole que quand ça t'arrange. M'agresse comme si j'avais des comptes à rendre. Et je regrette, oh mon Dieu, je regrette de ne plus pouvoir aller de l'avant. Quelle est la raison de nos prises de tête? Je ne vois plus le jour à travers cette prison de verre. Tu m'as distancé, ça me laisse penser que souvent on ne récolte pas ce que l'on sème. Et je regrette, oh mon Dieu, je regrette. Et je regrette, oh mon Dieu, je regrette. Tu m'aimes une deuxième fois. Et c'est que tu à l'instant, Shin Sekai, deuxième fois, c'est un morceau en effet qu'on retrouve sur le live de Black M. Hein, et il est chaud ce morceau, exactement. Je l'ai kiffé. Et ça, ce morceau, et sur scène, vous éclatez scène, d'ailleurs, ça se voit, ouais. C'est n'importe quoi, c'est sûr que c'est n'importe quoi sur scène. Je les ai vus à l'Olympia, les gars. Franchement, c'est j'ai vu que c'était un grand n'importe quoi. Ton t-shirt s'est déchiré parce que je demande avant ça que les t-shirts se déchirent. Je suis venu en chemise. Ah, t'es venu en chemise. Ah, dommage. La prochaine fois, tu viendras pas. T'auras pas d'invite. T'étonnes pas, c'est la prochaine fois. J'ai payé ma place, comme tout le monde. Ah ouais? Bien sûr. Bon, bah, la prochaine fois. Il faut soutenir les jeunes artistes qui débutent sur scène. C'est vrai. Donc voilà, deuxième fois avec toujours aussi ces sonorités à la Shin Sekai, j'ai envie de dire. Hein, voilà, avec ce mélange de sonorités qu'on peut retrouver sur certains morceaux. D'ailleurs, comme on parlait, on évoquait un petit peu l'album Indéfini. Il va y avoir pareil plein de tonalités sur cet album. C'est toujours la même ligne de conduite qu'on essaye de toujours de suivre. Bon, Dadju et moi, on a des influences assez différentes. Du coup, ça donne un beau mélange, tu vois, sur le projet. Et encore. C'était le cas sur Shin Sekai Volume 1 et Shin Sekai Volume 2. Et là, c'est décuplé en fait. Il y a des titres beaucoup, beaucoup plus gros. Enfin, comme Majoli. Bon, les gens, on voit que le Majoli, on n'a jamais eu des retours comme d'ailleurs, ça sur un titre. Je pense qu'on peut peut-être le repasser aussi, Majoli. Tu penses? Franchement, ça me ferait kiffer. Franchement, non, tu me ferais vraiment, vraiment, vraiment kiffer là. De Bang, non? Tu me ferais vraiment kiffer là. Si. Si on le fait là, je vais chanter tout le son. Après, tu m'ambiances là. Je vais chanter tout le son. Après, tu nous chantes tout l'album. Tu arrives. Attention. Et ben on le repasse. Allez, Majoli, c'est parti. Et ça, il est dispo. On peut aller cliquer et le récupérer tout de suite. Yeah, clip est dispo. Allez le regarder. Ah, Majoli, oh, oh, ah. Majoli, oh, Majoli, oh, Majoli, Majoli, oh, Majoli, oh, Majoli, oh, Majoli, oh, Majoli. Enlève un peu de ton maquillage. Tu n'es pas fier, ma gueule. Tu sors dans le dos de tes frères, ma gueule. Expert dans savoir-faire, ma gueule. Je vais pas jeter sur toi. J'aimerais te voir le matin, ma gueule. Une femme ou un œuvre d'art. T'envisager le pain, ma gueule. Pas d'histoire. On sait tous d'où tu viens, ma gueule. T'as eu ton méga va. Ta beauté n'est qu'une fin de ma quête. C'est une fin. Fantas sur le col, rouge à lèvres sur la joue. On sait que t'es basé par là. Tu m'as sali. La lumière éteinte, ta beauté voit le jour. Pour le reste du temps, bon débat. T'as envie. Chez toi, t'es une sale, mais en bois, tu nous roules. Ma soeur, tu nous mets dans l'embala. Malgré ça, t'arrives à jamais ce qui refuse de moi. Ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie. vends du champagne aux gens. Clochard ne fais pas semblant. Tu ne seras jamais ni Rihanna, ni Beyoncé, ni Kim K. Non, non, non, non. Dis-moi que tu prêtes à faire pour l'oseille. Tu nous fais ta princesse, en effet, tu ne manques pas de cran. Tous tes faits et gestes, on fait par intérêt. Tu crèves des cœurs pour crever les crans. J'ai dit Maquelle est un. Non, mon gars, va, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Maquelle est un. J'ai dit Maquelle est un. Non, mon gars, va, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Maquelle est un. Ma jolie. Enlève un peu de ton maquillage. Enlève un peu de ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage, maquillé. Celui dont tu n'es pas fier, maquillé. Tu sors d'un autre des frères, maquillé. D'excelle dans savoir-faire, maquillé. Maquillé des ordis ce soir. Pour nous embrouiller l'esprit. La seconde où tu redeviens toi. T'as du somme tapé un sprint. N'essaie pas te renier. Accepte le visage que maman t'a donné. Montre la vérité. Montre. Y'a que ton miroir qui te reconnaît. Ton visage est aussi beau que celui de Mr. Bean. Maquillé. 1, 2, 3, abracadabra. Et merci le contouring. Maquillé. Ce n'est pas ta faute ce que tu vois. La télé te pousse à te pour la vie parfaite. Maquillé. On se sent un gars, tu ne sais pas faire. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Dédicace à tous ceux qui nous ont envoyé des vidéos, continuez. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. On définit, allez. Enlève un peu de ton maquillage. Enlève un peu de ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage, maquillé. Celui dont tu n'es pas fier, maquillé. Tu sors dans le dos de tes frères, maquillé. T'excelles dans savoir-faire, maquillé. Ah, dédicace au Big Boss. Voilà. Tout le monde fait Maquelle. DJ Lil King. Tout le monde fait Maquelle. Katsuki tout Gang. Tout le monde fait Maquelle. Bon, si vous avez besoin de moi sur scène, les gars, j'arrive. Hein. Ah ouais, non, là, les bacs, les bacs, les chaussures. Tout le monde fait. Maquelle. Tout le monde. Merde. Maquelle. Attends, mais je suis tellement chaud que moi, je 3, 4. Tout le monde fait Maquelle. Tout le monde fait et tout le monde fait Maquelle. Tout le monde fait Maquelle. Tout le monde fait Fred fait Maquelle. On vous l'a dit, si même Fred arrive à le faire, vous arriverez tous à le faire. Ouais, ça c'est vrai. Ça par contre c'est vrai. Right. Mais alors par contre, il y a juste un petit souci. C'est que là, bon, évidemment, donc ce morceau, on peut l'avoir à la maison, on peut aller cliquer, ma jolie. Je vois Debeng et HQ qui. Ils sont pas contents. Non, là, il y a une grosse concurrence. Ils sont pas contents. Attends, juste, tu préfères quel son ? Ma jolie ou l'autre truc là ? J'ai oublié comment il s'appelle. En fait, c'est simple. Oui. C'est soit tu veux t'ambiancer, sauter dans tous les sens. Ah, Maquelle. Soit tu veux prendre ta caisse. Soit tu prends ta caisse. Tu veux écouter du son dans le calme. C'est pas soi. C'est pas soi du tout. C'est d'abord, tu prends ta caisse. Tu écoutes Adios. Et quand t'arrives à la boîte, ou même avec tes amis, tu t'ambiances sur Maquelle. C'est les deux. C'est un rendan. Ok, un rendan. Il y a que la Katsuki, je pense, qui peut comprendre ça. Invocation. Fredo. Oui. Moi, Pédej, qui aime la justice. Moi, j'aimerais bien, si on a du temps, réécouter Adios, en fait. Eh ben, j'allais le proposer. Voilà. J'allais le proposer parce que j'ai vu les mines un peu tristounes de. Merci PDG, t'es le meilleur. Ou de Bang, de. PDG, t'es le meilleur. Plus juste. Et ben, en fait, c'est PDG qui avait parlé. C'est ça, en fait. Allez, Adios, ça va s'occuper d'avant de faire tourner la roulette dans un instant. Je t'aime. HQ, disponible sur YouTube et iTunes. Adios, Abou de Bang Fit Black M. Mais je prends mon temps, je fais les choses jusqu'au beau jour. Tout ça, c'est moi. La nuit, je vais reposer dans mon amour. Je veux bombarder, on me dit pas mot. Mais je prends mon temps, je fais les choses jusqu'au beau jour. Je vous dirai adios. La nuit, je vais reposer dans mon gamos. Je veux bombarder, mais on me dit pas mot. Je fais les choses jusqu'au beau jour où je vous dirai adios. Adios, adios. Je vous entends pas. Adios, adios. Et toi là-bas. Adios, adios. Plus fort. Adios, adios. Je ne comprends pas pourquoi vous m'en voulez. Tout ce que j'ai eu, je n'ai pas volé. En bien ou en mal, je sais que ça parle de moi. Si t'ai fait du mal, pardonne-moi. Je me souviens de tous les moments forts de ma vie. Tous les hypocrites sont hors de ma vue. Je me rappelle de toutes tes nuits blanches dans Paris. Les descentes de keuf en bas de ma rue. Toutes ces filles au cœur fragile. Ils m'ont aimé mais sans retour. Je me méfie. On est parti la France entière, ça fait un jour. La nuit je vole, posé dans mon gamme. Et DJ HQ à la brode. Et on me dit pas mot. Je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adieu. La nuit je vole, posé dans mon gamme. Je vais bombarder, on me dit pas mot. Je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adieu. J'entends la France. Adios. Et le clip est toujours disponible. Et toi dans ta cuisine. Adios. Et toi dans ta chambre. Trop rêveur, dream. J'aimerais voir ma vie en river. J'ai pris de l'âge, du kilométrage, la même rage. Dis-le. Depuis le temps que je barre, depuis les gens qui me disent tu n'y arriveras pas. J'en ai vu d'autres. Depuis je fais mon bout de chemin. Sur sa route, la fin, j'dirais pas que j'ai commis aucune faute. Paris ma ville, dès comme elle y en a pas mille. Mille. Mais sur le périph, je roule en pensant à une île. Mille. Où y aurait des gros requins en guise de vide. Une île où j'irai me poser pour faire le vide. Une île où personne parle de musique et de vide. Sonne père, pas la peine d'appeler, y'a personne au bout du fil. Sonne père, pas changer donc arrêtez de vous faire des films. Faut que je vous dise adios parce que rien que ma vie. Le bien dealer. Adios. Adios man. Adios. Adios. Excellent. Adios. Akatsuki Gay. Adios. Paul Cabessa. Bombarder. Et Angel, c'est pas comment. Oui. Je fais des choses. Yeah, yeah. Je répète, HQ à la fois. Je veux poser dans mon gamme. Je veux bombarder. On me dit pas non. Mais je prends mon temps. Non. Je fais des choses. Jusqu'au beau jour. Et les plus dans la mort. Je veux reposer dans mon gamme. DJ HQ, je fais les choses jusqu'au beau jour. Je dirai adios. Et même si t'as pas ton permis, prends ton vélo. Prends, marche même s'il faut. Et ton alibi jusqu'au beau jour. Je monte tout le monde. Adios, adios. Et la maman. Adios, adios. Et les papas. Adios, adios. Et les enfants. Adios, c'est pas dit. Jibi. Adios. Adios, man. Fred Fall. Adios. Wow. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Magnifique, magnifique, jusqu'au bout, quelle variante. Ah non, là, à l'instant, adios, adios. Non, on est chaud là. Et là, merci en tout cas à vous pour cette belle soirée. Et merci à toi pour le featuring. C'était une belle soirée. Merci à vous. Merci à toi pour le featuring. Oui, c'est peut-être pas ce qu'on gardera de la soirée. Récapitulons. Oui, récapitulons deux, trois trucs. Je récapitule tout, vas-y. Tiens. Aujourd'hui, nous avons écouté Ma Jolie. Mm-hmm. Ma Jolie, l'extrait. L'extrait de l'album Indéfini de The Shinsekai. Après ça, nous avons écouté le premier extrait du projet Watibé, l'album Watibé, Abou de Beng, Fit Black M, Adieu. Et nous avons écouté aussi l'extrait, le premier extrait du projet à mon gars Dr Berriz. Comment ça s'appelle ce projet? Son projet 1974. Le Watibé. Le Watibé, la nouvelle vague du Watibé arrive en force. Et demain, ce sera déjà la dernière de cette semaine. Déjà, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Ça passe vite. Super vite. Donc, rencard demain. Merci à vous tous, en tout cas. Merci à toi, Fred. Merci à vous pour la participation. Merci. Et juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Et gros big up, la game. Skyrock t'offre le nouvel album de Nekfeu. Celui de Big Flo et Oli. 100 chèques cadeaux de 50 euros. Plus 100 places pour le Nitro Circus à Nice. Skyrock. Avec Jennifer Delorion. Ça va bien, Jennifer? Bah écoute, en pleine. Oh là là, Jennifer, ça va? Oui, ça va très bien. Bah écoute, bienvenue dans ce Planète Rap avec toute l'équipe du Watibé. Tu es prête à faire tourner la roulette, Jennifer? On y va? C'est parti? Oui, très bien, ouais. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. En équipe, Jennifer. Avec une copine, on va prendre un coup. Eh bah, vous avez bien raison, c'est l'heure. Et pour toi l'album de Nekfeu, l'album de Big Flo Oli, 50 euros en chèque cadeau ainsi que des places pour Nitro Circus. Jennifer, c'est pour toi. Nickel, merci. Et un bisou à toute l'équipe et à l'équipe motivée, tout le monde. Merci, gros bisous à toi aussi. Merci Jennifer, merci. Bisous. Ma jolie. Passez une bonne soirée, merci à vous tous. Merci à vous, c'est les gentil. Les Shinsekai, merci à toi, frère. Merci beaucoup. HQ était là, Lil King était au platine aussi. Gros big up à mon gars HQ. Et on se retrouve demain pour la dernière entre 20 et 21. C'est du full tout de suite. Yes. Yes. Allô. Allô. Allô. Ah, ça fonctionne. Ouais. Merci. Oh, heureusement. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre de la technique qui nous a sauvés. Bonjour Jean-Pierre. Ouais, mais dis full, c'est parce que t'es aux manettes peut-être. Oui, c'est ça, Marie. Ouais. Bon, bienvenue à vous. Merci Fredo. Alors, on a coupé la chica Fredo. Ouais, c'est ça. On m'a pas ouvert ma chica, moi. Et ben, on est là. Bonjour l'équipe. Bonjour tout le monde. Bienvenue. J'espère que vous allez bien jusqu'à minuit. C'est parti pour la radio libre. C'est bon, on est connecté. Vous êtes là aussi. Vous avez eu peur, hein. Et ben, on est là jusqu'à minuit sur Skyrock. On démarre avec Nicki Minaj. Dans un instant, on démarre avec vous tout de suite. Au 01 53 40 30. Ouais. Si vous voulez nous appeler, c'est toute la soirée. On aura le rendez-vous du problème du mois avec Romano tout à l'heure. Et puis évidemment, toute l'équipe qui est là. Et évidemment, vous tous de toute la France, vous voulez faire les cons avec nous. Eh bien, c'est parti. Radio Libre, c'est bien, ça marche. Et c'est jusqu'à minuit. On y go. Apparemment, ça marche pas. Cette semaine dans le Morning de Difool.